Oh. Quelle belle journée! Ah, ça fait du bien, une bonne nuit de sommeil! Hein? Rebecca! Rebecca, réveille-toi! Ah! Tu es fou? Qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais un mauvais rêve. Hein? Un cauchemar. Non? Si. Mais non! Si! Mais pas du tout, qu'est-ce qui te prend? Mais d'habitude, c'est toujours toi qui me réveille, alors pour une fois, je me rattrape. Mon pauvre Vincent, je te laisse seul un moment et tu en profites pour concourir au plus beau yoyotage de touffe. De quoi donc? Tu ondules de la toiture, t'es mytho, t'es givré quoi? Au contraire, j'ai jamais été aussi lucide. Ces entretiens avec Abdul m'ont fait un bien fou. Je me sens plus en paix avec moi-même. C'est étrange, c'est comme si j'étais différent, mais pourtant, je suis resté le même. Ça a le mérite d'être clair. Et est-ce que Abdul Pola, notre cher épicier, t'a ôté de la tête toutes ces idées de conspiration? Il m'a simplement dit de ne pas la chercher. Si une conspiration existe et que le destin la met sur ma route, alors je la reconnaîtrai. Hé, le destin! Si tu m'entends, pas de conneries, d'accord? Mais dis-moi, Rebecca, plutôt que de m'infantiliser, pourquoi ne me parles-tu pas de ton voyage hors de Bitbourg, hein? Tu restes bien évasive à propos de ton escapade au bureau du secteur. Hé là! Tout doux! Je suis rentrée tard dans la nuit! Et tu m'as pris, merci pour la comparaison, pour Patrick Fiori, le poulpe domestique de Carole. Tu étais comme fou, et plutôt entreprenant. J'ai eu toutes les peines du monde à te rendormir. Entre nous, Vincent, ta vie intime ne me concerne pas. Et je sais qu'en ce moment, ta vie sexuelle est un peu en berne. Mais tu devrais faire attention tout de même. Le monde de la mer se vengera un jour, Vincent. Il n'y a pas un mot de vrai dans ce que tu dis là. Ce que je vois par contre, c'est que tu n'as pas répondu à ma question. Eh bien, tu sais comment c'est, le bureau du secteur? Non, explique-moi. Eh bien, il s'agit d'une tour carrée d'architecture moderne, je dirais même osée, construite en... Mais reparez pas ça! Qu'as-tu vu au bureau du secteur? Mais tu sais bien, les gens n'ont pas tellement changé, le train-train quotidien. C'est à peine s'ils se sont rendus compte que nous étions partis. Et d'ailleurs, ils ne s'en sont même pas rendus compte. Ta stagiaire t'apporte toujours ton café à 10h07, pétante. Voilà. Tu me caches quelque chose, c'est sûr. Qu'as-tu vu au bureau du secteur? Eh bien, je te l'ai dit. Les missions s'enchaînent, se ressemblent, et voilà. Oui, ne fais pas ta maligne, je le sens quand tu mens. Qu'as-tu vu au bureau du secteur? Mais tu m'énerves à la fin, puisque je te dis que je n'ai rien vu au bureau du secteur. Tu as tout vu au bureau du secteur. Je n'ai rien vu au bureau du secteur. Tu as tout vu au bureau du secteur. Je n'ai rien vu au bureau du secteur. Tu as tout vu au bureau du secteur. Ah non, ça ne va pas du tout. Je suis Marguerite Yourcenar. Et en conséquence, j'exige des droits d'auteur sur ce dialogue qui, soit dit en passant, porte atteinte à ma dignité. Si dans les 5 minutes, vous me livrez pas les otages, je chanterai ma chanson fétiche de mon modeste répertoire au mon bateau. 1, 2. Rain and tears. Rain and tears. Mais vous vous trompez, monsieur. Ce dialogue a été écrit par Jean Dutour. Bien avant d'ailleurs que vous soyez né. Oh, eh bien on pourrait dire, comme qui dirait que je me suis trompé. Ah, j'ai quelquefois des problèmes d'identité. J'imagine que cela devrait être comme ça dans le showbiz. Ah, je m'en veux d'être un éléphant. Au revoir, monsieur. Mes amitiés à votre femme. Ouais, tout ça ne nous dit pas ce que tu as fait dehors, pendant que je me rongeais les sangs ici. Oh, c'est chou. Tu t'es inquiété? Je me suis fait un sang d'encre. Je me disais, que peut-elle bien faire en ce moment? Est-ce que sa vie n'est pas en danger actuellement? Oh, c'est chou. Tu as eu peur pour moi. Oui, et des fois, je me réveillais la nuit en sueur et hurlant à plein poumon. Rebecca, que fais-tu actuellement? Rebecca, que fais-tu actuellement? Comme c'est touchant. Et alors? Et alors quoi? Eh bien, que faisais-tu actuellement? Tu n'as pas besoin de le savoir. Je te rappelle que tu es en congé maladie, que tu es là pour oublier le stress de ton travail, te reposer et guérir ta maladie pour retrouver ta trompe d'antan. Alors, n'essaie pas de m'embobiner, je te dirai rien. Et puis, moi-même, je ne suis pas sûre de savoir ce qui s'est vraiment passé là-bas. Bon, eh bien, ma technique n'est pas tout à fait au point. Je retourne chez Abdul, j'ai encore besoin de conseils. C'est ça. Et profites-en pour me rapporter du café. Depuis que Carole n'est plus là, je dois préparer moi-même mon petit déjeuner. Et Et vous m'avez fait venir pour me parler de Carole ? Pas exactement, monsieur le directeur, même s'il en est l'élément central de cet entretien. Monsieur son conseil, allez au fait, j'aime les situations claires et puis je dois vous avouer que je ne me sens pas vraiment à mon aise dans ce placard à balai. Je ne comprends pas. Enfin, la situation pourrait prêter à confusion. Mais pourquoi ? Enfin, nous deux, dans ce placard... Je ne vois pas. La situation est plutôt ambiguë. Mais enfin, expliquez-vous. Ne faites pas l'enfant, monsieur son conseil. Vous êtes un homme dans la force de l'âge, empli de cette sève qui vous coule dans les veines et qui vous fait jouir de la vie. Et moi, je suis... Oui, vous êtes... Laissez tomber. Que voulez-vous me dire ? Bon, si nous sommes dans un endroit discret, c'est pour que cette conversation ne tombe pas entre toutes les mains. Vous n'êtes pas sans savoir que Carole nous a quittés. Eh oui, j'avoue que c'est la matrice, mais il avait ses raisons. Oui, et de bonnes raisons. J'ai pris la liberté de demander à une ancienne bite en bourgeoise de tenir la joyeuse goutte. C'est une bonne initiative. Il ne serait question qu'une ville de l'importance de Bitbourg reste sans un café, bar, débit de boisson. Mais dites-moi, quelle est donc cette nouvelle tenancière dont vous me parlez ? Je la connais ? Mais, à peu que vous la connaissez. Il s'agit d'Astrid Glup. Astrid Glup, Astrid Glup... Oh ! Astrid Glup, celle qui... Oui, celle-là même qui... Oui. Eh bien voilà qui promet. Notre café va prendre un sacré coup de jeune. Mais dites-moi, monsieur son conseil... Oui ? J'imagine que ce n'est pas tout à fait pour cela que vous m'avez invité dans ce placard à balai. Tout à fait, mais comment le savez-vous ? Intuition féminine ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Chut ! J'entends quelqu'un. Pilou pilou ! Pilou pilou ! Où te caches-tu donc ? Chut ! Pas de bruit. Il ne doit en aucun cas nous découvrir. Pilou pilou ! Viens là ! Je t'ai fait du porc ! Du jarret de porc comme tu l'aimes ! Tout va bien. Il est parti. En aucun cas, monsieur le maire ne doit savoir que nous avons eu cette conversation. Eh bien, que de précaution. Pourquoi le maire ne devrait pas savoir que nous discutons du départ de Carole ? Eh bien, monsieur le maire n'est pas au courant du départ de Carole. Il ne devra jamais l'être. Mais pourquoi ? Mais enfin, vous ne comprenez pas. Quel est l'argument de campagne de monsieur le maire ? Le changement dans la continuité ou quelque chose comme cela ? Ah, mais attendez, je crois comprendre. Un changement comme le départ de Carole le bouleverserait. Il n'a déjà plus toute sa tête. Qui sait ce que cela provoquera chez lui ? Un raz-de-marée neuronal, très certainement. Surtout avec l'arrivée d'Astrid Glup. Je commence à comprendre maintenant. Il ne doit absolument pas savoir. Mais comment comptez-vous procéder ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de ne rien lui dire. Ne rien lui dire ? Mais enfin, c'est impossible. Il va s'apercevoir de quelque chose. Pensez-vous ? Bien sûr que non. Mais c'est insensé. On ne peut pas remplacer quelqu'un comme ça. Vous croyez ? Et moi, quand je pars en vacances, comment croyez-vous que je fais ? Vous ? Mais... Je fais appel à un monsieur son conseil intérimaire. Je le briefe un peu et hop là ! À moi un peu de liberté. Il ne s'aperçoit jamais de rien. Je ne me suis jamais aperçu de rien. Des fois, je me demande ce que je fous dans cette ville. Alors vous pensez que cela va marcher ? Comme je vous le dis, je n'ai eu pour ma part aucun problème. Sauf une fois. Une fois ? Oui, une fois. Mon remplaçant était un peu trop ambitieux. Il voulait devenir maire à la place de monsieur le maire. Vous vous souvenez, Mathilde ? Eh bien, c'était lui. J'ai dû revenir précipitamment de vacances pour rattraper le coup de justesse. C'est bouleversant. Comme vous le dites, monsieur le directeur. Carole n'était pas aussi proche que moi de monsieur le maire. Nous n'aurons même pas besoin d'en parler à Astrid Glup. Mais les autres habitants, ils vont parler. Monsieur le directeur, ne faites pas votre garçonnet. Fillette. Comment ? Fillette. Ne faites pas votre fillette, j'y tiens. Ne faites pas votre fillette. Sa capacité à mémoriser une information se limite à 2 minutes, au grand maximum. Pilou pilou ! Ah non, il n'est pas là. Je peux peut-être demander à ces sympathiques balais s'ils ont vu mon cacatoès. Bonjour balais ! Auriez-vous vu par hasard un grand cacatoès tout mignon et répondant au doux nom de Pilou Pilou ? On le reconnaît facilement, il vole et il fait cui-cui ! Oui, bien sûr, il est parti par là. Oh, merci, vous êtes bien aimable. Messieurs les balais, au revoir. Pilou pilou, pilou pilou, cache-tu, pilou. Vous voyez, ce sera du gâteau, si vous m'aidez. Dame, messieurs dames, les balais, j'y tiens. Bon, n'en faites pas trop tout de même. Et quel est ce chiffre que je dois deviner ? Je ne comprends toujours pas le principe. Chiffre, c'est le 23. Encore perdu. Vincent, vous n'arriverez à rien si vous vous énervez tout le temps. C'est que vous êtes vraiment très fort. J'étais vraiment résolu à ne rien vous dire. Si vous voulez déjouer des conspirations, mais attention, hein, des vraies conspirations, il faut faire parler les gens. Et pour faire parler les gens, il faut commencer par ne rien avouer soi-même. C'est le béaba du chasseur de conspiration. Vous êtes vraiment très fort, Maître Abdul. Comment fait-on pour devenir comme vous ? Travail et méditation. Méditation et travail. Ce sont les deux clés du succès. Comme j'aimerais devenir un grand chasseur de conspiration. Long est le chemin qui te mènera au bout de ta formation. Tu devras d'abord suivre le tronc commun en étudiant les modules interrogatoire, connaissance générale de la conspiration et recherche du bon informateur secret. Ensuite, tu devras faire tes preuves sur le terrain en déjouant une vraie conspiration. Mais attention, si tu te trompes de conspiration, si la machination que tu veux dévoiler au grand jour n'est qu'un rêve, alors jamais tu n'auras ton diplôme de chasseur de conspiration. C'est zéro éliminatoire et interdiction de se représenter au concours pendant 5 ans. Je serai à la hauteur, Maître Abdul. Vous m'en voyez ravi. Reprenons notre entraînement, si vous le voulez bien, Vincent. Oui, Maître. Essayons avec des mots. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Bien, Maître. Dites-moi, Maître. Oui, Vincent. Il y a un H ou pas, rhododendron ? Ah, zut, encore raté. La vie est comme un Ferrero Rocher. C'est joli à l'extérieur, et puis on croque dedans. Et on se rend compte que c'est gras, écœurant, mais qu'on ne peut plus recracher. Ah non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là non plus. Mais où diable Carole range-t-il ses bols ? Si quelqu'un ne devait pas partir, c'est bien lui. Pour une fois que quelqu'un servait à quelque chose dans cette ville... Ah, je vais essayer ce petit placard. Ah, enfin quelqu'un ! Enfin quelqu'un ! Mais qui êtes-vous ? Et que faites-vous dans ce placard ? Nous sommes des petits Labox ! Nous sommes ici pour détruire votre civilisation ! Votre civilisation ! Détruire notre civilisation ? Laissez-moi rire ! Vous mesurez 10 cm chacun ! Nous venons de la planète Gigantax. Cette planète est beaucoup trop grande pour nous. Nous avons repéré votre planète sur un guide touristique et sa taille correspond parfaitement à la nôtre. Il vous faudrait plutôt un minuscule satellite. Vous ne comprenez pas. Il est dit dans ce guide que seul l'amour et l'admiration des terriens nous fera retrouver une taille normale pour vous. Pour vous. Et comment comptez-vous vous y prendre ? Pour vous faire aimer des terriens. Un truc infaillible. Nous connaissons toutes les chansons de variété que vous avez adorées et nous sommes capables de les chanter toutes en même temps. Écoutez. La la la la. Oiseaux, Sabine, pur et nous faisons chanter. Oiseaux, si jamais rien ne l'empêche, oiseaux, allez pour complètement stupides, ces extraterrestres. Vous cherchez quelque chose ? Jean ? Jean branle pas une ? C'est bien vous ? Bah oui, c'est moi, Mlle Rebecca. Si vous cherchez les balles, ils sont juste au-dessus de vous. Ah, merci. Vous vous occupez de la joyeuse goutte ? Ouais, en quelque sorte, depuis que Carole est partie, Dieu sait pourquoi, je suis resté ici. Alors, pour m'occuper, je tiens le café. C'est un peu comme si j'avais du boulot. Vous voulez que je vous prépare un petit déj ? Ma foi, pourquoi pas ? C'est parti, mon kiki. Dites-moi, Jean, la joyeuse goutte va rester comme cela tout le temps ? Oh non, tout était déjà prévu. Comment cela ? Oh, c'est une longue histoire, une très longue histoire. Eh bien, si vous me la racontiez pendant que vous me servez mon petit déjeuner, il se trouve que je n'ai rien d'autre à faire pour l'instant, et puis les histoires ces temps-ci, on peut dire que j'y suis habitué. Bon, eh bien, il y a bien longtemps, quand la joyeuse goutte n'existait pas et que monsieur le maire effectuait son 12e mandat, Carole et Astrid vivaient des jours paisibles à Bitbourg. Ils étaient inséparables et c'était merveilleux que de les voir jouer et gambader gaiement dans les rues de notre ville. Pour tous les habitants, il était clair que ces deux-là allaient rester ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Du café ? Oui, merci. Bon alors, Carole et Astrid ont grandi ensemble. Ils étaient côte à côte sur les bancs de l'école. Bon alors, Astrid a fait des études de chimiste et Carole a commencé une école de tenancier de bar, café et débit de boissons. Ils partageaient une passion extrême pour les cafés et ils parlaient d'ouvrir une gigantesque taverne à Bitbourg. Combien de sucre ? 2 sucres. Malheureusement, c'est dans ces moments de grand bonheur que les catastrophes se nichent. Carole et Astrid faisaient atelier commun et quand l'un faisait des expériences chimiques, l'autre expérimentait des cocktails. Et ce qui devait arriver, arriva. Non, pas de ketchup dans mon croissant. Ils mélangèrent les contenus. Un jour, par erreur, Astrid but ce qu'elle croyait être le nouveau cocktail de Carole. C'était en fait un breuvage à base de produits chimiques et de jus d'ananas. Et la catastrophe arriva, Astrid se changea en femme. Comment cela ? Mais c'est pourtant simple, Astrid était un homme et le cocktail l'a fait instantanément changer de sexe. Astrid était maintenant une femme. Forcément, l'amour entre Carole et Astrid était maintenant impossible. Je ne comprends plus, là. Vous ne comprenez donc rien. Astrid et Carole étaient homosexuels. Avec elle changée en femme, ils ne pouvaient plus se regarder en face. Pour ne pas voir leur passion s'étioler au fil des temps, ils décidèrent de se séparer. Carole resterait à Bitbourg et Astrid partirait à l'extérieur pour continuer ses études de chimiste et peut-être pour trouver la formule qui la transformerait en homme. Bah voilà. Évidemment, tout est parfaitement logique. Ah, comme je rêve d'une histoire simple à Bitbourg. Mais vous l'avez ? Quoi ? Eh bien moi, je suis chômeur, c'est plutôt quelque chose de banal ces temps-ci. Même pas ? Regardez, vous travaillez ? Ah oui, c'est vrai. Tenez, voilà votre petit déjeuner. J'espère que vous allez aimer, il y a plein de bonnes choses. Ça oui, plein de bonnes choses. Et saines en plus. Du café, de la confiture, des œufs, du miel et de la charcuterie. Je n'en disconviens pas, Jean, mais dites-moi... Vous étiez obligé de tout mélanger dans une assiette ? Elle arrive quand, cette Astrid ? Le coupable, c'est vous. Non. Vous êtes le coupable. Le coupable de cette conspiration, c'est vous. Coupable ? Ah, vous répondez à votre nom ? Allez, s'il vous plaît, dites vous êtes le coupable. Oh non, j'y arriverai jamais. C'est trop dur. Il faut que je continue à m'entraîner. Comme dirait Maître Abdoul, du travail et beaucoup d'espoir. Oh, mais que vois-je ? Je ne connais pas cette personne. Qui est cette jeune femme ? Elle n'est pas de Bitbourg. C'est bien étrange. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Conspire-t-elle ? Oh, mais elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Jennifer, l'infirmière de Paolo Botomi. Mais elle est morte, serait-il possible que... Oh là, je dois pas m'emballer, moi. C'est pas parce qu'une personne arrive en ville que pour autant il y a conspiration. Hein. Je dois pas oublier les enseignements de Maître Abdoul. Je dois envisager la situation de manière objective. C'est tout de même bien étrange. Il faut que je fasse quelque chose, mais quoi ? Oh, elle vient vers moi. Garde ton sang-froid, Vincent, c'est pas le moment de flancher. Tu vas lui tirer les vers du nez dans les règles de l'art. Bonjour, monsieur. Je ne crois pas vous connaître. Oh, je suis étonnée. Je suis une ancienne bitambourgeoise. Et comme il n'y a pas beaucoup de touristes à Bitbourg, à part bien sûr quelques touristes japonais qui reviennent une fois l'an, mais vous n'avez pas l'air d'être japonais. Ou alors demi-japonais peut-être. Oh, je m'emballe et puis je ne me présente même pas. Excusez mon impolitesse, je m'appelle Astrid Glup. Je suis un peu nerveuse. Cela fait bien longtemps que je ne suis pas revenue à Bitbourg et cette ville est chargée de souvenirs. Beaucoup de nostalgie qui me rend assez nerveuse. Et quand je suis nerveuse, je ne m'arrête pas de parler. Un vrai moulin à paroles. Mais au fait, mais qui êtes-vous ? Vincent. Vincent comment déjà ? Vincent comment déjà ? C'est grec ? Parce que moi j'adore les Grecs. Ce sont des gens charmants, et puis leur pays est tellement beau, et puis empreint d'une solennité tellement majestueuse, oh là là. Pourtant, vous n'avez pas de pain grec. Vous êtes peut-être chypriote. Oui, c'est ça, vous êtes demi-chypriote, mais du côté de votre père, hein. Ou peut-être bien de votre mère. Bon, allez, j'arrête de vous saouler, je vous écoute maintenant, monsieur, comment déjà ? Ce n'est pas tout à fait cela. Allez, ressaisis-toi, Vincent, tu es le disciple d'Abdoul tout de même. Tu dois te concentrer. Pense aux enseignements de base. C'est ça, reviens aux bases. Bonjour, vous appelez comment ? Comme je vous l'ai dit, Astrid Glup. Et vous venez souvent ici ? Non, ça c'est le manuel de drague de Rebecca, zut ! Vous comptez rester longtemps à Bitbourg ? Ma foi, oui, plus longtemps que ce que vous pouvez penser. Hein. Je vais travailler ici. Travailler ici ? Oui, je remplace Carole à la Joyeuse Goutte. C'est comme qui dirait, moi la nouvelle patronne. La Joyeuse Goutte ? Carole, il n'est plus là ? Bah, vous devez bien le savoir tout de même. Non, Carole est partie pour... Oh, mais je préfère ne pas en parler. En fait, j'aimerais bien que nous n'en parlions jamais plus. Tant de souvenirs qui me font tellement de mal. Saisis-toi.

et nous en parlerons devant un cocktail de ma composition. Rire grand et grand. Découvrons la vérité. Oui, bien sûr. Allez, on y va. Et dites-moi, c'était votre père ou votre mère qui était allemand ? Ouais, pas Bitbourgeois, c'est Robbie qui vous parle sur BBFM. Il fait beau, le soleil brille, Bitbourg est en joie. Alors regardez la patate, yes, I big up, pop, represent Bitbourg. Aujourd'hui est un jour particulier, puisque la joyeuse goutte change de propriétaire. En effet, Carole est partie vers d'autres chemins que le destin lui a tracé. Mais nous ne nous étendrons pas plus là-dessus, nous en avons déjà bien assez parlé. Parlons plutôt de la nouvelle tenancière du bar café des Bitboissons de notre bonne ville de Bitbourg. Elle s'appelle Astrid Glup, et je suis sûr que vous en souviendrez, puisque c'est une ancienne de notre bonne ville. Gageons qu'elle sera à l'auteur de ce café dont notre regrettée Carole a fait un véritable palace, mais aussi un bougignoble ou un tripot sans nom quand les circonstances exigeaient. Alors bienvenue à Astrid, à ses cocktails magiques, longue vie à la joyeuse goutte et un big up represent pour Bitbourg. Mais qu'est-ce que c'est que ce ginepsy? Robbie est devenu fou ou quoi? Carole qui part, une jeune fille du nom d'Astrid qui le remplace, c'est n'importe quoi. Monsieur le maire, calmez-vous. Oui, c'est vrai, calmez-vous. Ah mais ça, il n'en est pas question. J'appelle tout de suite la radio pour faire virer cet animateur amateur qui raconte n'importe quoi aux auditeurs. Tu pourrais bien le croire, d'ailleurs. Non, c'est pas ce que vous croyez. Voyez-vous, c'est une blague. Une blague? Comment cela? Eh bien... dites-lui, monsieur le directeur. C'est comme si on vous disait... quelle est la différence entre une tarte et un baba au rhum? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, si on les lance tous les deux dans l'eau, la tarte flotte, mais le baba coule. Je ne vois pas le rapport entre ces pâtisseries et l'incompétence de Robbie. Eh bien, c'est que... Mais dites-lui, monsieur le directeur. Oui, bien... c'est le nouveau feuilleton de BBFM. Un feuilleton? Oui, un feuilleton radiophonique. Un peu comme... vous connaissez, en si loin que s'en souviennent les lilas? Oui, c'est cela, aussi loin que s'en souviennent les lilas, le feuilleton de prune, 92 FM. Oh oui, cela me dit quelque chose. On y parle d'une ville et de personnages assez étranges, un peu fous. J'ai même entendu dire qu'il y avait un maire et qu'on se moquait de lui sans arrêt. Je n'aime pas trop qu'on raille ainsi une figure de la République. Mais là, c'est différent, hein. Il y a des personnages de la ville, certains sont inventés, d'autres pas. Et les histoires ne sont pas toujours vraies. Oh, je comprends. C'est de la blague. Et moi, je suis dans le feuilleton? Non. Oui. Bien sûr que vous y êtes, et vous êtes très réaliste. C'est vous tout craché. Ah oui? Eh bien, j'en suis fort aise. Dites-moi, monsieur son conseil, qu'en passe-t-il, ce feuilleton? Tout le temps! C'est la grande innovation du feuilleton de BBFM. Il faut soi-même deviner ce qui est la réalité et ce qui est la fiction. Eh bien? Découvrir le vrai du faux. Mais c'est bête, ça! Séparer le bon grain de l'ivraie. Formidable! Et puisqu'on parle d'ivraie, allons nous saouler la gueule à la joyeuse goutte. J'ai hâte de voir si la nouvelle patronne de fiction sert des cocktails virtuellement délicieux et si dans la réalité, on picolerait autant que si Carole était un bon grain. Waouh! Qu'est-ce que je m'éclate, moi! Je ne me suis pas autant amusé depuis... Depuis quand, déjà? Monsieur son conseil. Oui, monsieur le maire. Depuis quand je suis maire? Depuis toujours, monsieur le maire, depuis toujours. Eh bien, je ne me suis pas amusé autant que depuis toujours. Allez, allons-y. Monsieur son conseil, monsieur le directeur, eh bien, vous venez. Oui, nous arrivons. Monsieur le directeur, il va falloir jouer serré. Comme vous dites, moi-même, j'avoue que je m'y perds. Il faut faire simple, le plus simple possible. Plus ce sera simple, moins il comprendra. Alors c'est vrai, vous ne faites pas une blague? Ah non! Si je vous faisais une blague, je vous raconterais celle de la tarte et du baba au rhum. Ça va, on la connaît. Bah non, vous ne devriez pas. Ah mais c'est super ça! Vous m'engagez comme serveur, mais jusqu'à quand? Eh bien, pour toujours, Jean. Vous connaissez bien le café puisque vous en êtes occupé dernièrement. Vos petits déjeuners sont un peu personnels, mais on fera avec. Allez, maintenant, il faut y aller. Il y a beaucoup de monde ce soir et le service n'attend pas. Alors, n'oublie pas de dire aux clients que mes cocktails maison sont gratuits ce soir. Oui, oui, tout de suite. Waouh, un boulot, mais c'est formidable, ça. Il faudrait que je prévienne Vincent. Avec tout ce travail, je n'aurai plus le temps d'être informateur secret. J'espère qu'il sera pas trop déçu, hein. On aura un autre informateur. C'est tellement génial ce qui m'arrive. Elle a l'air d'être bien acceptée, cette Astrid Gloop. C'est une ancienne de Bitbourg. Elle est dans son élément. Je crois que quand on est à Bitbourg, on en garde trace toute sa vie. Ça, c'est sûr. Mais tout de même, c'est terrible ce que tu m'as raconté. Carole et Astrid n'ont pas eu de chance, hein. Mais comment peut-on changer de sexe comme cela ? Bien, tu sais, il y a juste un petit truc que je ne t'ai pas dit. Oh, voici la joyeuse Gouttiriel. Elle est encore plus belle qu'en vrai. Oh, et mes deux amis, Roy Finch et Mamselle, tu sais plus son nom. Ouais, Vincent David, je m'appelle Vincent David. Oh, vous ça va, hein. Quand on n'existe pas vraiment, on ne fait pas le malin. Monsieur le maire, comment allez-vous ? Vous voulez dire en vrai ou en faux ? Comme vous voulez, monsieur le maire. Eh bien, je me porte comme un charme depuis que je suis de nouveau maire. J'ai eu une petite crise existentielle, mais elle est vite passée. Depuis, je broie des petites fées. Vous broyez des petites fées ? Il veut dire qu'il boit du petit lait. Bonjour, monsieur Vincent. Mademoiselle, comment déjà ? Je suis charmé. J'espère que votre petit voyage s'est bien passé. Un peu étrange, monsieur son conseil. Je me demande si Bitbourg n'est pas plus normal que le reste du monde. Mais je suis ravie de vous revoir à nouveau. Bonjour, monsieur le directeur. Waouh, c'est la fête ici. Je sens que je vais bien m'amuser. Ça va me rappeler le temps où j'étais gogo danseuse. Vous avez été gogo danseuse ? Ne faites pas les prudes. Ça se fait beaucoup ces temps-ci. Allez, je vais m'éclater sur la piste. Yahoo ! Cela ne se fait pas sans moi, j'arrive ! Surveillant bâton ? Bah oui, moi aussi j'ai le droit de m'éclater. Allez, pop, pop, pop, pop, pop, on va sur la piste en vitesse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demanderai quelques petites minutes d'attention. Aujourd'hui est un nouveau jour pour la joyeuse goutte et pour tout Bitbourg d'ailleurs. Carole a quitté notre bonne vieille ville pour des raisons que je crois nous avons tous comprises maintenant. Il faut tourner la page et faire de ce café ce qu'il aurait voulu qu'il devienne. Ce sera ma modeste tâche et j'espère que vous apprécierez. Mais arrêtons les discours et passons maintenant aux réjouissances. Mais, je dois d'abord vous annoncer quelque chose d'important. La joyeuse goutte, comme tout bon café, possède maintenant un serveur. Il s'agit de Jean Branle-Pas Une et je vous demanderai de bien vouloir l'applaudir. Ouais ! Et maintenant, Jean, comme le veut la coutume, tu vas goûter en premier mon cocktail unique et personnalisé. Allez, on l'encourage ! Ouais, Jean ! Oh, ça arrache ! Mais bon, c'est pas mauvais, hein. Astrid, je peux vous parler un moment ? Mais je t'en prie, Jean, tu peux me tutoyer maintenant, hein. C'est vrai que je m'absente. Maintenant que je travaille ici, je dois régler quelques affaires anciennes. Mais bien sûr, Jean, je comprends. Allez, vas-y, mais ne sois pas trop loin ou tu vas rater la fête. Je tire un trait sur le passé et je commence ma nouvelle vie. Je dois reconnaître que la joyeuse goutte a pris un sacré coup de jeune. Quelle ambiance ! Ça oui, je commence à me sentir bien, moi, ici. Allez, je vais aller chercher mon cocktail unique et personnalisé. Attends, Rebecca, tout à l'heure, tu voulais me parler d'un truc à propos d'Astrid et de Carole. Ah oui ! Cela t'intéresse vraiment ? Oui, je suis plutôt du genre curieux, tu sais. Eh bien, en fait, Astrid était chimiste et... Psst ! C'est moi, larynx géant ! Je suis sous le bar ! Attends, Rebecca, tu m'excuses, mon lacet est défait. Mais Vincent, tu portes des mocassins ! Vincent ! Oui. Écoute, va prendre ton cocktail, finalement. Je vais en avoir pour un moment. Tu sais, les lacets des mocassins, c'est délicat. Décidément, mon pauvre Vincent, tu ne changeras jamais. Allez, à tout à l'heure. Vincent, vous êtes seul ? À part une centaine de personnes autour de moi, oui. On ne peut pas parler ici, rejoignez-moi dans une heure. Dans une heure ou cela ? Dans le placard à balai de la mairie. Monsieur le maire et monsieur son conseil sont ici, ils ne seront pas dérangés. Ouais, d'accord, j'espère que cela vaut le coup. Oui, vous ne serez pas déçus, j'ai d'importantes révélations à vous faire. Ah, entendu. Bon. Eh bien, j'ai le temps de me prendre un petit cocktail, moi. Bon, cela doit bien faire une demi-heure que je suis dans ce placard. Encore une demi-heure et je serai libéré de mon double larynx géant. Fini larynx géant. Envolé larynx géant. Mais j'ai les oreilles qui me grattent depuis un moment et j'entends de moins en moins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que... Mais j'ai des choux-fleurs dans les oreilles! Tu veux que je mette la radio, Jacqueline? Ça te détendra peut-être? Ce qui me détendrait, c'est de te voir couler dans le béton au fond du lac de Bitbourg. Si tu n'étais pas de la famille, je crois bien que... Mais c'est pas de ma faute, Jacqueline! Tu t'as mis les pieds juste sous le rondin que j'ai laissé tomber! Abruti! Quand je t'ai dit d'aller... Quand je t'ai demandé d'aller chercher du bois, je parlais de petits bois secs. Pas de me rapporter des arbres entiers. Ouais, c'est pas grave, hein, il fait pas très froid. Tout ce que je vois, c'est qu'en ce moment, tout Bitbourg est à la joyeuse goutte et j'aurais pu en profiter pour frapper un grand coup. Mais au lieu de cela, je suis au lit avec le pied englouti sous des tonnes de bandages. Et tout ça à cause de ta maladresse. Mais allez, il y en aura d'autres des occasions. Et tiens, je te mets la radio, comme ça tu seras un peu avec nous. Oui, c'est ça, ouais. Attends. Il est dit par un codec. Ouais, vous êtes toujours sur BFM, la radio de Bitbourg, toujours en direct de la joyeuse goutte où la fête bat son plein. Pour ceux qui prennent l'antenne en ce moment, je vous rappelle que sous l'effet de cocktails uniques et personnalisés d'Astrid Gup, monsieur le maire est maintenant un splendide balai brosse et discute un voyage ménager avec monsieur son conseil, qui a la bonne idée de prendre l'apparence, je crois, d'un nettoyant pour sol. Oui, c'est ça! Monsieur le directeur n'est pas en reste non plus sur la piste de danse. Elle est le roi de la piste avec ses deux énormes tentacules dans le dos et elle fait tournoyer habilement au-dessus de sa tête le surveillant Maton qui, grâce à ses bras palmés, plane majestueusement au-dessus des danseurs. Si on peut bien sûr appeler danseurs une bande de marmottes et de diables de Tasmanie qui s'agit frénétiquement sur la piste de danse de la joyeuse goutte. Oui, mais je m'interromps car il est en train de se passer quelque chose d'exceptionnel. Le corps de Vincent David, notre éternel convalescent, est en train de se transformer de manière spectaculaire. Je s'enterre ainsi les mauvaises gens qui le pensaient définitivement incurable. Les mots me manquent, ainsi je vous laisse avec le direct et je vais de ce pas demander à une compagnie de mangousse que j'ai aperçue. Comment elle s'y prend par des mocassins si bien cirés? Alors ici je vais arrêter. Regarde ce que je vais faire. Oh là là. Oh, quelle fameuse soirée! De ma vie de palais broche, je n'ai jamais fait une fête aussi batte. Et ce nettoyant pour sol était fort charmant. Dommage qu'il ait voulu rester avec cette femme qui avait 22 seins et demi. Mais bon, toute soirée a une fin. Et il faut rentrer se coucher. Et puis j'ai du ménage demain. Ah, voici mon placard. Vincent! Vincent! Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un dans mon lit? Vincent, c'est moi, larynx géant! Parlez plus fort, j'ai des choux-fleurs dans les oreilles! Mais qui êtes-vous? On ne voit rien ici, il fait trop noir. Vincent, vous devez m'écouter sans m'interrompre. J'ai d'importantes révélations à vous faire. Oh, mais ça y est, je comprends. Vous faites partie du feuilleton de BBFM. Vous n'êtes pas réel. Oh, j'ai de la chance, moi. C'est pas tous les jours qu'un balai brosse rencontre une star. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je n'entends rien. Vincent, c'est la dernière fois que nous nous voyons. Je ne peux plus continuer à vous fournir des informations. Je vais changer de vie, Vincent. Mais oui, bien sûr, je comprends. Être acteur en permanence ne doit pas être de tourpeau. Comment? Parlez plus fort. Avant de nous quitter, il faut que je vous avoue quelque chose. Mais oui, allez-y. D'ailleurs, moi aussi, je dois vous avouer quelque chose. J'aurais voulu. Comment, mais quoi? Je n'entends vraiment rien avec ces choux-fleurs. Bon, Vincent, en fait, je ne suis pas celui que vous croyez. C'est difficile à dire, là. En fait, Larynx Géant est un pseudonyme. On recommence, j'arrive pas à lire. Pseudonyme. Mais oui. Mais oui, allez-y. D'ailleurs, moi aussi, je dois vous avouer quelque chose. J'aurais voulu être. Comment, mais moi, je n'entendrai vraiment rien avec ces choux-fleurs, là, dans les oreilles. Vincent, en fait, je ne suis pas celui que vous croyez. Ah, c'est difficile à dire, quand même. Bon, Larynx Géant est un pseudonyme. Allez, allez, un peu de courage. Vous me connaissez sous mon vrai nom. Et ce nom, c'est... Oh non, je peux pas. Je suis attaché à Larynx Géant, c'est mon double. Bon, je peux pas détruire ce personnage comme cela. Bon, j'aime être un informateur secret. Vincent, oubliez ce que je vous ai dit. Vous ne me connaissez pas. Je dois partir, je vous raconterai. Et je vous recontacterai. J'en branle pas une. Bonjour, cela fait plaisir de vous voir. Mais vous étiez où hier soir? Oh, eh bien, je discutais chiffon avec un balai brosse. Mais dites-moi, c'est étrange, toute la nuit, j'ai eu des choux-fleurs dans les oreilles. Oh, vous avez apprécié mon cocktail unique et personnalisé? Bof, pas trop, j'ai eu un peu peur, quoi. Ne vous inquiétez pas, je ne note jamais la recette de mes cocktails. Ainsi, l'effet est différent à chaque fois, pas de routine. Dites à propos de routine, je voudrais bien vous parler de quelque chose. Oui, qu'y a-t-il? Je veux plus être votre serveur. Vous avez à vous plaindre de quelque chose? Ce sont les cocktails? Oh, c'est peut-être le salaire qui vous convient pas. Non, c'est pas ça. Je veux pas travailler du tout. J'ai découvert que ma vraie nature, c'est le chômage. Je suis bien comme ça, et puis d'anciennes activités sont finalement plus importantes pour moi que je le croyais, vous comprenez? Je comprends. Eh bien, ça aurait été court. Bon, vous n'êtes pas trop déçus? Oh non, je trouverai quelqu'un d'autre. Je me fais un peu plus de soucis pour votre ami, là, Vincent. Comment déjà? Plus jamais. Plus jamais. Elle m'a dit que ça n'arriverait. Plus jamais. Calme-toi, Vincent. Elle a simplement dit que son cocktail ne te ferait plus jamais le même effet. Mais cela n'empêche pas que tu guérisses de manière naturelle. Soit dit en passant, il faudra que j'en parle au docteur Freud. Mais non, c'est fichu, je suis condamné à porter la maladie de Monsieur Dumbo comme un fardeau jusqu'à la fin de mes jours. Mais non, ne t'en fais pas. Tu vas guérir. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais je t'assure que tu guériras. Mais enfin, Rebecca, tu ne te rends pas compte. Mais quoi, Vincent? Il ne nous reste plus que 4 épisodes. Thank you.